c'est ça, hein. La bonne tonalité. Il y a un morceau entier, je sais pas c'est quoi, c'est quelle partie que tu joues toi? Il y a une autre partie après, une partie ici là. Ah ouais, je me suis trompé, ouais, ça doit être là ici. Ouais d'accord, je me suis trompé, les 8 premiers d'accord, ok. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'essaie de les caler, tu... après je l'enlèverai. Merde. Ouais. Je l'ai trouvé, mais je sais pas pourquoi l'ordinateur il veut pas le caler. Ouais.